chaîne. Et hop, pour plus de clarté sur qu'on veut bien nous mettre en scène. Ce soir je me sens tellement con, du coup je passe mon crayon sur le sillon. Quant à mes flots qui me servent de rébellion, et pas le temps de baisser les bras, je vois tellement de gosses tomber dans le peurat. Et si on commençait évidemment sans prendre les mêmes, c'est sûr vos problèmes nous concernent. Et puis je relis les shows que j'enchaîne. Et hop, pour plus de clarté sur qu'on veut bien nous mettre en scène. Ce soir je me sens tellement con, du coup je pose mon crayon sur le sillon. Quant à mes flots qui me servent de rébellion, et pas le temps de baisser les bras, je vois tellement de gosses tomber dans le peurat. Déjà, je constate que des coups de batte partent. Chacun est cautionné par ses actes. Tu vois, prends un RDV avec ton psychiatre. Après cette expression de cette vision de baston, je sais que les jeunes ont exprimé d'autres façons. Surtout le temps est très, ton sourire, bonne tête, mais derrière, me fait du 12 mm, ça se passe. Toujours comme ça, c'est ce qu'on appelle. Agir comme une bête raide dans la tête. Oh mais quand même moi, je tiens toujours tête. L'union fait la force, et t'es complice de certains sacrifices. Je te parle pas d'artifice. C'est maintenant je gueulerie, même si jeune est celui-ci. Mais tellement de temps passé à me demander si le prix en vaut la chandelle. Comme au soleil se battent pour une parcelle de rêve, y déposer sa demoiselle frêle, belle, celle où tu kiffes quand t'es du quartier. Ma renommée gars, faut pas y toucher. Pire que la monnaie, je la vise comme une CB. Mes potes ont jugé, c'est accepté, je suis accepté. Va falloir t'accrocher, c'est le vice de ma cité. Si t'es décidé à citer, pas forcément dénoncer, on sait ce que c'est. Oser s'encager, c'est rimer avec censurer. Et sans gain de pouvoir, pouvoir, ouais, pouvoir y croire. Ne plus lever la tête pour voir misère crier sur vos trottoirs. Des cités que tu dis dortoir. Ce qui fait que ce sont plus les mêmes droits pour chacun. À manger dans une main ou crever, c'est pas bien. Moi je viens du côté où l'on partage le même pain. Où tout le monde pense enfin à demain. Parler, ouais, mais pas parler pour ne rien dire. Assez de discours nous ont fait pâlir. Ce qui fait que nos gosses ont perdu même le sourire. Et si on commençait évidemment sans prendre les mêmes, c'est sûr que nos problèmes nous concernent. Et puis je relis les shows que j'enchaîne. Et hop, pour plus de clarté sur qu'on veut bien nous mettre en scène. Ce soir je me sens tellement con, du coup je pose mon crayon sur le sillon. Quant à mes flots qui me servent de rébellion, et pas le temps de baisser les bras, je vois tellement de gosses tomber dans le peurat. Et si on commençait évidemment sans prendre les mêmes, c'est sûr que nos problèmes nous concernent. Et puis je relis les shows que j'enchaîne. Et hop, pour plus de clarté sur qu'on veut bien nous mettre en scène. Ce soir je me sens tellement con, du coup je pose mon crayon sur le sillon. Quant à mes flots qui me servent de rébellion, et pas le temps de baisser les bras, je vois tellement de gosses tomber dans le peurat. Je sais ce qu'ils disent, que je suis pas net comme mec. Passer mes journées à tasser des maquettes, je suis fait, je le sais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? En attendant du bon son, mec, ouais, de l'extase. Faut pas se voiler la face, je donne en général, sans pour autant vivre comme un esclave. Les anciens se l'ont donné pour toi, pour moi. Ma devise reste la même, plutôt donner que recevoir, ouais. Autour de ça, chacun fait son choix. Se battre encore une fois, pour ne pas tomber plus bas. En principal, montrer ce qu'on attend de toi, et en note ce qu'on voudrait que tu sois. La masse s'endort sur des mirages, et au jour le jour contre les dommages. Les gosses se tuent dans les cités, les têtes pensantes à coups de billets. Les fraudes s'entassent, se tassent, mais pas où on les attend. Dans les cités y'a pas d'argent, que des mille impatientes en attente. Et non pas qu'un allumé leur chante de nouvelles belles paroles, des choses de la vie qui tentent. Et pour le... juste un peu plus de keuf afin de refaire à neuf les mentalités pour eux soi-disant creuses. Je rigole, laisse-moi m'envoyer une dernière gueuse avant l'heure. Style l'ultime cigarette du condamné, où je serai visé sans être avisé d'être l'homme à abattre, le dernier des messagers. Quand on dira de ma vie, mes paroles ont pesé, perturbateur, l'élément étant à effacer. Fumé capté par tous les potes du quartier. Je suis pas là pour jeter la pierre à celui qui se dit foncedé. Moi le premier, je suis foncedé de m'éclater. Me libérer de leur tension sans faire attention. Finir l'arrêt soit en chanson à coups de naissons. Et si on commençait évidemment sans prendre les mêmes, c'est sûr trop de problèmes nous concernent. Et puis je relis les shows que j'enchaîne. Et hop, pour plus de clarté sur ce qu'on veut bien nous mettre en scène. Ce soir je me sens tellement con, du coup je pose mon crayon sur le sillon. Quant à mes flots qui me servent de rébellion, et pas le temps de baisser les bras, je vois tellement de gosses tomber dans le peurat. Et si on commençait évidemment sans prendre les mêmes, c'est sûr trop de problèmes nous concernent. Et puis je relis les shows que j'enchaîne. Et hop, pour plus de clarté sur ce qu'on veut bien nous mettre en scène. Ce soir je me sens tellement con, du coup je pose mon crayon sur le sillon. Quant à mes flots qui me servent de rébellion, et pas le temps de baisser les bras, je vois tellement de gosses tomber dans le peurat.